c'est décalé là. Décalé hein. Allez. J'ai voulu suivre Dirty, hein. Philippe, mets de la batterie ou ça marche pas, moi. Y'a plus rien qui marche. Sur ma guitare. Bon, je vais muter ma guitare, c'est bon. Je sais pas comment on fait pour muter la guitare, il faut que je m'entende en même temps. Thank you. Putain, j'entends pas ta basse, bordel. Ou la batterie pas assez forte, je sais pas. Je suis obligé de te monter à fond la batterie là. Trop de guitaristes, tue les guitaristes. Bon bah on va faire Titi alors. Bon bah allez vas-y Titi, envoie ton riff. Le plan à DD. Eh ben vas-y fais le plan DD. Vas-y Titi, envoie. Vas-y, joue. Tu pars à 1 et on te suit, essaye. Ben mais y'a rien qui sort moi chez moi. Je t'entends pas moi Titi. J'entends Philippe, Fritz. Oh merde. Pourquoi il se met à 120? Oh là là. Le son de basse, elle est bien. C'est pas mal, c'est là. pas, moi je suis Philippe, hein. Je suis le bassiste, moi. Le bassiste, il est régulier, il est propre, nickel, et il fait pas chier. C'est un très bon bassiste.